Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Psychosomatic. That boy needs therapy. He was white as a sheet. He also made false teeth. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous avez la niaque ce matin ? Wesh, gros, tranquille. Le sud-ouest de ma nuit fut agité par les tempétueux assauts de l'insomnie, mais sans doute moins violent que la tempête sociale qui souffle sur notre gouvernement. Enfin bon, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien, comment dire, professeur Colin ? Ce matin, le dossier Epsilon numéro 22 se présente avec Houpette, mais sans Roupette. Foutre Dieu, vous m'intriguez. Mais qui donc est-ce ? Eh bien, professeur Colin, innovons. Aujourd'hui, je vous la fais en trois briques. Attention, c'est parti. Ad hoc. Ad hoc ? Du poisson ? Un maquereau ? Le chéri de ces dames, c'est Prosper. Youpla boum ! Mais c'est pas ça. On poursuit, attention, deuxième brique, Castafiore. Castafiore, rossignol milanais, Inter à Milan, c'est Marco Materazzi. Protégez-vous la poitrine, vous allez prendre un coup de boule. Vous le faites exprès, professeur Colin, un petit effort. Dernière brique, Milou. Ah, ok doc, un alcoolique, une cantatrice à la con et un clébard. Le ministère analyse donc ce matin le tartignol Tintin. Formidable dossier, professeur Mauduit. Alors allons-y, étudions le cas de ce Tiger Wood des salons de thé. Maniez-vous le train, les Dupont, et apportez au labo le dossier de monsieur Tintin. Je dirais même plus, le dossier Tintin. Allez, Choupinet, à table. C'est Tintin qui vous parle. Je viens de reprendre connaissance. Ah, je vois le professeur Tournesol qui s'agite sur sa couchette. Le capitaine Haddock, à son tour, vient de allô, se réveiller. Allô, ici la Terre. Rectifiez immédiatement votre trajectoire. Vous déviez complètement. Terminé. Compris. Eh oui, vous dévissez totalement, mon vieux. Va falloir vite faire rétablir la trajectoire, hein, monsieur Tintin. Et puis arrêtez immédiatement de prendre votre face de gland, là. Ça nous saoule ici, car on sait combien vous êtes beaucoup plus pervers, crapule. D'ailleurs, commençons par écouter ensemble la première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer immédiatement ce qui nous chafouine au cœur de la structure mentale de notre patient. Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, la pathologie la plus inquiétante de ce monsieur Tintin est sans aucun doute son stoïcisme marmoréen. En effet, la personnalité de Tintin est énigmatique, et peu nombreux sont ceux qui peuvent se vanter de l'avoir pénétré. La figure de Tintin intrigue et turlupine même les plus fins morphopsychologues. Ce qui est très intéressant aussi dans le visage de Tintin, c'est que c'est un visage, on pourrait dire, très peu défini, très peu déterminé. C'est un visage non psychologique. Si vous comparez Tintin avec Haddock, Tournesol et Dupont, il y a extrêmement peu d'expressions et peu de traits distinctifs. Déjà, les cheveux sont presque une absence, ils sont très très discrets, il n'y a effectivement pas de la moindre pilosité apparente, et le nez, les yeux sont vraiment réduits à peu de choses. Mais en même temps, je crois que ce qui pourrait apparaître comme une vacuité, et qui est souligné par le nom du personnage, drôle de nom d'ailleurs, qui n'est ni un prénom, ni un nom de famille, ni même un vrai surnom, par l'absence de on peut dire, de sexuation forte, l'absence de parents, l'absence de profession réelle, tout ça contribue, je crois, à la réussite de la série, parce que Tintin, c'est celui dont on prend la place. Attends, prendre la place de Tintin ? Franchement, non merci, quoi. Je te préviens, je passe mon tour. Hein. À cul serré dans le dictionnaire, c'est sûr, il y a sa photo. Et puis surtout, son petit côté bien sous tout rapport, là. On est bien placé au ministère psychique pour savoir combien c'est chelou. Résultat, durant 53 minutes, chers amis, essayons de décortiquer ce curieux dossier Tintin afin d'établir ensemble un authentique diagnostic, toujours dans l'espoir, bien sûr, de savoir si oui ou non les méandres psychologiques de ce reporter névrotique recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, monte le son, mon ami, et sois le bienvenu. C'est la panique au ministère psychique. Alors, amorçons ensemble l'étude de ce patient bédéologique par une aventure aux antipodes de la Belgique que nous offre ce célèbre boys band pseudo-asiatique. Alors que la vermine, c'est un dorifore dans les patates. Tintin a affaire à des personnages qui perdent quelque chose de très important pour eux, comme le souverain Ottokar qui perd son cèpe. Son cèpe lui a été volé, Tintin lui restitue. Donc Tintin est quelqu'un qui rend un enfant symbolique, en quelque sorte, à son père. Avant tout, le ministère psychique remercie notre cher collègue, le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron, pour son introduction à notre patient du jour, car en effet, durant cette séance, nous tisserons le portrait d'un curieux quidam, connu sous le sobriquet de Tintin, et qui semble atteint d'un puissant syndrome aprogériatique. Et pour commencer nos investigations dans les tréfonds de l'inconscient, le ministère psychique a voulu aborder ce dossier Tintin à partir d'un angle particulier, celui du stéréotype et du cliché. Oui, mon ami, ce matin, nous n'allons pas ménager le personnage Tintin, alors pourquoi ne pas amorcer cette analyse par une étude de cas, celle de Tintin au Congo ? Tintin au Congo est le deuxième album d'Hergé paru en noir et blanc dans le petit 20e, entre 1930 et 1931. Et effectivement, tu le sais bien, dans Tintin au Congo, les contrastes entre le noir et le blanc transpirent grave dans chaque vignette. Alors oui, c'est vrai, il faut contextualiser ce document qui a été créé dans une Europe où le colonialisme était globalement admis, où le racisme était courant et où en France, l'exposition coloniale de 1931 faisait florès. Une petite remarque cependant, Hergé, le papa de Tintin, reflétait malgré tout une idéologie déjà bien contestée politiquement et intellectuellement. Et puis surtout, durant l'occupation de la Belgique par les nazis, Hergé, bon ok, il n'a pas collaboré, mais enfin, comment dire, ça ne s'est pas si mal passé pour lui cette période. Et d'ailleurs, après avoir si facilement courbé les chines pendant 4 ans, eh ben, forcément, à la libération. J'ai un voisin qui s'appelle Tintin, le gros garçon, il est à Froidefeld. Figurez-vous que depuis 3 semaines, de douleur, il est atteint. Ce n'est pas dans le cou ni au bras, non, c'est pire que ça. Il a mal au ratatin, au ratatin, au ratatin. Il en est maussade, ça le rend malade. Quand il veut se baisser le matin, se baisser le matin, se baisser le matin. En effet, Hergé a chaud au rein à la libération, ce qui lui a d'ailleurs permis de mettre un coup de rein pour gommer certaines vignettes quelque peu antisémites ou quelques propos ouvertement racistes. Car oui, il faut bien le dire. Tintin, l'ensemble des albums d'Hergé sont inconsciemment racistes, enfin... Les méchants sont souvent des individus ou des groupes qui ont une autre couleur de peau que celle de Tintin. On va chercher ou mettre la différence fondamentale, la plus radicale possible dans des sociétés qui sont loin de nous et dont les membres ont une couleur de peau, une forme du corps différente de la nôtre. Salut à toi, puissant roi des Babaorum. Salut à toi, noble étranger. Toi, il y en a bon blanc. Toi, il y en a resté ici. Demain, toi, il y en a chassé Seigneur Lion avec les Babaorum. Votre majesté est trop bonne. Oui. Ce qui est merveilleux dans Tintin au Congo, c'est que les Congolais parlent un français très approximatif, le petit nègre, quoi, tandis que les animaux, eux, s'expriment parfaitement. C'est atroce. Alors, nous connaissons tous l'univers de Tintin. Il est constitué de quelques personnages bien faits de leur personne, des blancs, et quand débarquent des étrangers, même si ce sont des amis, ils restent dans leur pays. Exception faite du petit Abdallah qui vient faire un tour à Moulinsart où il fout un boxon infernal. Ah, c'est sûr, rien ne vaut une bonne politique sécuritaire. Depuis ce matin, plusieurs cordons de gendarmerie bouclent le château de Moulinsart. La boucherie sans eau ne répond plus. L'agent d'assurance Séraphin Lampion a fermé son bureau. Au premier étage du château, Tintin s'est enfermé dans sa chambre. Milou n'a pas mangé sa soupe. Pour une fois, la Castafiore ne fait pas de vocalise. Le capitaine Haddock a sombré dans une cuite monumentale. Dans le parc du château de Moulinsart, les deux Dupont commentent l'événement. C'est une bien triste nouvelle. Je dirais même plus, c'est une bien triste nouvelle. Seul le professeur Tournesol n'est pas encore au courant, car il est toujours aussi dur d'oreille. Tintin est orphelin. Son père, le dessinateur Hergé, de son vrai nom Georges Rémy, est mort hier soir dans un hôpital de Bruxelles. Hergé a succombé à une leucémie à l'âge de 75 ans. Le bel âge, somme toute, pour celui qui avait fait le pari d'amuser les jeunes de 7 à 77 ans. Oh, mais non! Hergé ne nous a jamais vraiment quittés, puisqu'il vit toujours à travers sa célèbre créature. Car figure-toi que Tintin est toujours vivant. Et sache-le, certes, c'est incroyable, mais nous te l'avouons aujourd'hui, en juillet 2007, notre tout juste nouveau président Nicolas Sarkozy, quand il s'est rendu au Sénégal en voyage officiel, il a réellement rencontré Tintin. Un Tintin plus casanier et plus rangé des bagnoles que jamais. Vous ai-je dit, Nicolas, que j'étais amateur d'animaux sauvages ? Et le Sénégal est à la faune sauvage ce que le Cambodge est à la jambe de bois. Une véritable terre promise. N'est-ce pas délicieux de découvrir tous ces merveilleux quadrupèdes qui semblent tout droit sortis de la barque de Monsieur Noé, hein ? Madame la girafe ! Monsieur l'éléphant ! Je vous aime, je vous aime. Vous savez, à force de traquer le gibier, hein, il s'installe entre l'homme et la bête une sorte de complicité sourde, une émotion toujours nouvelle. Regarde, voilà une mère et ses petits. Oh mon Dieu, quel charmant tableau. Je m'en vais y mettre de la couleur. Oui, bon, Tintin n'a donc pas tellement changé en vieillissant, puisque déjà, lors de ses aventures au Congo, il avait massacré un troupeau de gazelles, il avait fait exploser un rhinocéros à coups de dynamite, et avec en prime un guépard, un singe et une girafe allègrement massacrés. Alors, le ministère psychique vient tout de même de te dévoiler cette improbable rencontre au Sénégal entre Nicolas Sarkozy et Tintin en juillet 2007. Et d'un coup, tout devient plus clair quant au discours de Dakar prononcé dans la foulée par notre président. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. C'est un déjeuner, un goûter délicieux, banania. Banania, banania. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Il n'y en a qu'un sur terre, gentil comme Tintin, malin comme Tintin. C'est lui le plus grand héros de pantin, avec son petit chien si drôle qui court comme Tintin. Tintin et Milou, on s'entend bien. Avec Tintin et Milou, on s'entend bien et c'est normal, puisque le personnage de Tintin est tellement aseptisé qu'on y projette tous très facilement notre propre personnalité. Alors, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que M. Tintin représente une réelle menace pour notre société, à tel point qu'il mériterait une enquête poussée des RG. Mais afin d'éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait, pour ainsi dire, obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Collin, nous recevons ce matin le très sympathique Tintin, qui fête cette année ses 80 printemps et qui, par conséquent, n'a plus l'âge de lire ses propres aventures car il a dépassé la limite fatidique des 77 ans. Et c'est tant mieux. Ce sera pour lui l'occasion de découvrir messieurs Enki Bilal, Moebius ou encore Jacques Tardy. Alors que dire de Tintin ? Écoutez, j'ai relu quelques albums pour préparer ce dossier et je dois l'avouer, en feuilletant Tintin au Congo, j'ai retrouvé la ferveur et les émotions d'un Michel Leeb de la grande époque. « Ah, je vais te manger tout cru, dis donc !» Encore un qui est malencontreusement passé à côté de la Terre d'Ébène d'Albert Londres, du Voyage au Congo d'André Gide et de l'Heure du Nègre de Simenon. Alors pour ma part, j'ai été fortement intéressé par ce tintamarre que fait Tintin chez les collectionneurs. Dites donc, professeur Collin, ça marche du feu de Dieu, hein, ces petites merdes en plâtre, en plomb ou en plastique. Moi, je sens que je vais vite faire sortir mon mac au moulage. Il y a de la thune à se faire là avec les gogos. Hein. Alors, vous le savez, professeur Collin, aucune collection n'est anodine. Ainsi, j'ai relu le petit roman épistolaire intitulé « Le collectionneur et les siens » que Goethe a écrit en 1799. Dans ce petit ouvrage, Goethe développe l'idée que la collection privée est le pendant pour un individu de ce qu'est la collection publique pour l'État. Mais surtout, Goethe souligne que le collectionneur accumule des objets, non pas pour le simple plaisir d'amasser des trésors, mais plutôt pour créer des relations avec les autres, dans le passé bien sûr, mais aussi dans le présent. La collection nous en apprend donc beaucoup sur le collectionneur. Ainsi, que peut révéler la tintinophilie ? Eh bien, l'accumulation de figurines représentant un éternel adolescent accompagné de son clébard peut bien sûr évoquer la peur du temps qui passe. Pourquoi pas, comme disait Charcot. Pourtant, un des objets les plus prisés par les collectionneurs est la reproduction de cette fusée rouge et blanche construite par le professeur Tournesol dans Objectif Lune. Oui. Objectif Lune, oui, bien sûr. Vous savez, moi, je considère de manière très positive cette volonté de collectionner des fusées, ces objets filiformes et oblongs, ces petits jouets qui procurent de vibrantes sensations pour un tintinophile et qui font tintinabuler la clochette de sa puissance affective. Alors d'ailleurs, professeur Colin, à ce propos, l'autre jour, je me baladais dans le sympathique quartier populaire de Pigalle. Écoutez, j'ai découvert une formidable petite échoppe qui propose sur ses étagères toute une gamme d'amusantes fusées en modèle réduit. Vous verriez, c'est très rigolo. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Sans aucun doute, cela passionnera les amateurs de Tintin. En effet, à force de se faire refourguer hors de prix des objets de merchandising sous couvert de collection, les tintinophiles doivent être tout disposés à acheter ce type d'objet qui n'a qu'une destination réelle. Évidemment, c'est l'objectif thune. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient. Troubles psychotiques aigus et amorphes, avec symptômes schizophréniques, personne. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. Ainsi, l'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patient, un véritable pacha qui envahit l'univers et face auquel les autres personnages de la BD n'ont plus qu'une seule prière. Un petit peu d'air ne me fera pas de mal. Planter mes pieds en éventail. La vie en bleu dont tu parlais. La vie en rose comme un banc de sable. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air ne me fera pas de mal. Dénouer le fil jusqu'aux étoiles. La vie en bleu comme un chameau. La vie en rose comme tes trouvailles. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Ici fragile et écrasé. Je suis comme un œuf dans la mêlée. Qu'aurait bronzé comme un journal. J'ai comme la lune un visage pâle. Un petit peu d'air ne me fera pas de mal. Tourner les murs, lever les voiles. La vie en bleu comme un bateau. La vie en rose des carnavals. N'a besoin ni de mousse à raser, ni de rousse à masser. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir analysé la structure mentale de notre patient à travers le prisme d'une étude de cas, à savoir Tintin au Congo, il est temps dès à présent, me semble-t-il, de nous arrêter quelques minutes sur l'enfance de ce justicier reporter, pigiste comme chacun sait, dans un canard bruxellois, le petit 20e. Cela dit, avant de débouler au pays des soviets pour sa célèbre première enquête publiée en 1929, Tintin est réellement apparu pour la première fois en 1923 sous le patronyme de Totor dans un fanzine intitulé « Le Boy Scout belge ». Puisqu'en effet, Hergé lui-même a été scout au collège Saint-Boniface Parnasse à Ixelles, en Belgique, où il avait d'ailleurs un totem « renard curieux ». Alors oui, dans sa prime jeunesse, Tintin appartenait à une meute de louveteaux. Un cœur vaillant, donc, qu'on ne surnommait pas encore Tintin, mais plutôt... Moi, c'est Ouin Ouin, mais dans ma meute, tout le monde m'appelle Pine d'huître, rapport à mon totem, l'huître. Monsieur, je crois que j'ai besoin d'un médecin. Pourtant, d'habitude, j'aime pas les visites médicales. Faut se mettre tout nu. Le stéthoscope est tout froid sur ma peau. Et puis, c'est jamais agréable quand l'infirmière, Mademoiselle Lavement, est obligée d'aller au labo de sciences nat chercher un microscope pour vérifier si j'ai pas de maladie aux zizi. Chaque fois, les autres, ils sont sous les fenêtres de l'infirmerie à chanter « Pine d'huître, il a pas d'organe. Pine d'huître, il a pas d'organe. » Oui, comme Hergé, Tintin avait un totem, pine d'huître. Charmant. Mais voilà une première information essentielle à l'usage des mauvais esprits qui n'ont cessé d'écrire des vilainies au sujet de la sexualité de Tintin. C'est ainsi, message qu'en réalité, Pépère était hermaphrodite. Bon, ça c'est réglé. Ensuite, comme tu viens de l'entendre, la jeunesse de Tintin fut également une grosse période d'humiliations incessantes. Et Tintin fut souvent victime de sarcasmes et colibés, dont il demeure d'ailleurs quelques reliquats sur la tronche de notre patient, et notamment cette célèbre coupe de cheveux qui fut l'œuvre de ses petits camarades de la banlieue bruxelloise. Arrête de bouger, sans déconner, t'es relou, là. Doucement, je te chute. Bouge pas, je te dis. Et doucement, doucement. C'est bon, c'est bon. Doucement. C'est pas... Qu'est-ce que t'as fait, là? Rien, je te jure, sur la tête de ma mère, ça va. Quoi c'est... Sur la tête de ta mère, quoi? Pourquoi tu jures? Je jure parce que je te dis, y'a rien. Et voilà. Là, il fait froid, là. Pourquoi il fait froid, là? Mais parce qu'il fait froid, c'est rien, ça. Pourquoi? C'est parce qu'il fait froid ici, c'est tout. Quoi, voilà. Il fait froid ici? Et voilà, ça va. Écoute-moi, sans déconner, je te dis, moi, je vais égaliser et ça va, ça, je sais. Vas-y, fais-moi voir. Vas-y, putain, fais-moi voir. Sans déconner, la confiance, hein. Fais-moi confiance, moi. Mais quoi, fais ma confiance, qu'est-ce quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il est beau, le trou. Mais pourquoi c'est il pas un trou d'abord, je pourquoi vais égaliser. Il fait froid, là? C'est rien, je te dis. Tu me fais pas confiance, c'est relou, sans déconner. Moi, je te coupe pas ta cheveux, hein. Putain, je te dis, à New York, ils ont tous cette coupe-là, ok? C'est la coupe qui tue, ça. Alors t'arrêtes de béflan et tu me fais confiance. New York? Ouais. Mais de quel New York tu parles? C'est ça la mode à New York? Tu te fous de ma gueule ou quoi? On dirait un punk. Rigole pas! Vas-y, fais-moi un bisou. Eh oui, là encore, voilà bien longtemps que tu cherchais à comprendre pourquoi Tintin avait une coupe de cheveux aussi tarte. Eh bien, désormais, tu n'ignores plus d'où lui vient cette pseudo-crête punk, car figure-toi qu'il a vraiment fini par gober ce con, que sa houppette était réellement à la mode aux portes du Bronx. Par ailleurs, nombreuses sont les aventures de Tintin dans lesquelles tu peux également déceler certains mystères de la jeunesse de notre patient. Oui, pour chacun d'entre nous, et Tintin compris, le monde de l'enfance, c'est l'univers de l'enfouissement, bien sûr. Plus tard, une fois devenu adulte, le gardien de notre inconscient, avec ses petits bras musclés, retient avec vigueur certains souvenirs enfouis au plus profond de nous-mêmes. Mais ces souvenirs construisent notre moi malgré tout, et si tu fouilles, parfois, tu découvres secrets et trésors, y compris dans les albums de Tintin. En fait, le secret de la licorne et trésor de Racame le Rouge raconte le secret d'un trésor caché dans les fondations du château de Moulinsart. Mais on peut prendre aussi ces mots dans un sens différent. Le mot de fondation désigne pas seulement les soubassements d'une maison, il désigne aussi les soubassements d'une lignée. On dit fonder une famille, par exemple. Et puis, le mot de trésor ne désigne pas seulement des pierres précieuses ou des bijoux. Le mot de trésor peut désigner aussi quelque chose de très précieux. Par exemple, un ancêtre prestigieux. C'est un trésor dans une famille, d'une certaine façon, d'avoir un ancêtre important. Et donc, le trésor caché dans les fondations devient, à ce moment-là, le secret d'une filiation prestigieuse cachée dans les origines de la famille de Hergé. Et ma grande surprise a été que quelques années plus tard, deux journalistes qui enquêtaient sur l'histoire de Hergé, et notamment sur sa famille, ont découvert que le petit Hergé était né dans une famille où son grand-père était inconnu, mais on lui disait souvent que c'était un homme très important, très illustre. Et puis d'autres fois, on lui disait que c'était un homme qui n'avait pas d'importance, qui passait par là. Et il y avait en tout cas autour de ce grand-père énigmatique toute une atmosphère de secret extrêmement propice a suscité beaucoup de rêveries chez le petit Hergé. En effet, d'après les travaux psychanalytiques de Serge Tisseron, les aventures de Tintin restituent de façon souterraine toutes les hypothèses autour d'un secret familial qui obsédait Hergé lorsqu'il était môme, à savoir l'identité de son grand-père, qui demeure encore aujourd'hui inconnu, mais dont il est à peu près certain qu'il s'agissait d'un homme illustre. Cela dit, dès son plus jeune âge, Tintin fut le vecteur cathartique d'un secret de famille obsessionnel chez son créateur. Un fardeau de plus sur les épaules de notre frêle reporter qui lui aussi du coup fut une victime collatérale de ce traumatisme puisqu'enfant, Tintin fut carrément privé de parents et dans les faubourgs de Bruxelles, il fut un pauvre Rémi sans famille. Mon meilleur ami est un chien. On peut lui parler, mais il ne vous répondra pas. Il aurait préféré avoir une femme comme amie, une femme attentive, belle et sûre, qui travaillerait dans l'éducation nationale. Ils auraient des regards que nous n'avons pas, que nous n'avons plus, et ils parleraient d'amour et de choses inouïes. Avec moi, ça n'est plus possible. Ça fait trop longtemps maintenant. Heureusement, dès son enfance, Tintin découvrit en Milou un compagnon fidèle, ce clébard qui fut le réceptacle salvateur de toutes les blessures affectives propres aux mômes orphelins. D'ailleurs, notons au passage justement que les fêlures narcissiques de ce jeune Tintin orphelin l'ont poussé dans un premier temps vers une conduite de mythomanie aiguë. En gros, il préférait s'inventer des vies que d'affronter son triste sort. Résultat, avant d'être embauché au Petit 20e, avec le succès que l'on sait, il racontait n'importe quoi à n'importe qui dans les rades de Bruxelles, même si ces gros bobards préfiguraient au final les trépidantes aventures que l'on sait. Un jour à Rio, un autre à De Janeiro. Oh, je travaille actuellement au ministère de la NASA. Oh, on est sur un projet pour envoyer une fusée sur la Lune. Comment ? Ça a déjà été fait ? Ah non, je crois pas, on aurait été au courant. Ouh là là, mais il faut qu'on nique ! Wow, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, tu crois que je t'ai juste invité pour te payer un verre d'eau ? Je suis pas un goujat, quand même. Mais attends, mais reviens, Micheline ! Mais attends, t'as pas payé ta part ? Ah, je suis trop fleur bleue, tiens. Pauvre Tintin. Son adolescence fut carrément pénible, mais rassure-toi, car là encore, Milou ne fut pas très loin pour le réconforter. Nonobstant, afin de compléter au mieux notre analyse psychologique sur la jeunesse de notre patient, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, quelle fut la réelle vocation de Tintin avant qu'il ne devienne journaliste sous le pinceau d'Hergé. Et nous allons constater qu'une fois de plus, notre patient fut contrarié dans le développement psychique de son enfance. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble les conclusions de son enquête sur l'univers de Tintin Bambin. L'interne, pointez-vous au labo! Allez, hop! Démonstration! That's the radio. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Alors, Moussaillon, professeur, pardon. Le dossier du jour concernerait Tintin, c'est cela? Eh bien, écoutez, j'ai eu beau chercher, fouiller, creuser, pour un pseudo-reporter qui résoudrait tous les mystères, c'est bien lui, Tintin, qui reste au final le plus énigmatique. Où et quand est né Tintin ? On n'en sait fichtrement rien. Fils de qui ou de quoi ? On n'en sait guère plus. Bref, il a fallu mener plus qu'une enquête pour en savoir davantage sur ce vaurien, ce sacripant. J'ai été guidé par beaucoup d'éléments, comme paraît indiqué Hergé dans les bijoux, pour centrer donc mon interprétation sur la relation d'une mère à son enfant. La Castafiore et le capitaine Haddock n'étant plus du tout un couple, un petit peu un couple à la Dubout, un couple qui se déchire, mais donc ce couple devenant le couple d'une mère et de son enfant qui grandit et qui se sépare d'elle. Mille sabords ! La Castafiore serait donc la mère du petit ? Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà un indice. On commence à être bien. Oh, qu'on est bien Tintin. Qu'on est bien Tintin. Mais sacrebleu, mais c'est bien sûr. La chance aux chansons, la France a raison d'aimer ses musiques, ses poèmes. Eureka, comme dirait l'autre. Ce flibustier de Tintin serait donc secrètement le digne héritier de sa maman, la Castafiore. À une petite différence près tout de même, comme nous le précise son prof de chant de l'époque. 3 mars. Il ne peut pas s'en douter, mais moi j'en suis sûr. Sa voix est un miracle, la promesse rare d'un don exceptionnel. Et peu à peu, alors que ma chorale progresse, j'apprivoise mon nouvel élève. Oui, il faut l'avouer, avant d'être un sacré casse-cou, Tintin c'était un gros niais. Alors, imaginez à 15 ans quels pouvaient être les ravages d'un esprit de gros niais et d'une prédilection pour la musique. Quand je chantais avec toi, je sentais que j'étais juste une fille. Et en plus, t'avais vraiment tout d'une fille. En tout cas, j'avais jamais pensé à chanter. Ça, c'est sûr. Jusqu'à ce que t'arrives. Ouais, c'est pas pour rien qu'on m'appelle le pro du micro. Tonnerre de Brest. Le coup de foudre ne lui réussit pas vraiment. Et du coup, le jeune apprenti chanteur chope vite le melon et finit par devenir comme sa mère. Un peu trop diva sur les bords. Oui. Ah, c'est-à-dire que Tintin, maintenant, il faut que je parle des choses dans l'ordre. Je vais me faire tirer les oreilles. Oui. Oh, mais c'est que vous savez, on ne peut plus lui parler. Il devient terrible avec cette fiancée. On ne peut plus lui dire un mot maintenant. Mais au final, quand on s'obstine à être un chanteur prépubère et caractériel, un marin d'eau douce et tête de mule, c'est difficile de convaincre un public. Je vous présente mon nouveau poulain. Ça bouge, ça groove, les jeunes vont adorer. Alors si vous êtes une maison de disques désireuse de se refaire une santé, dépêchez-vous de le signer. Sinon, c'est encore les Américains qui vont le signer. Moi sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main. Oh ta gueule, fais chier, merde. That's the radio. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions sincèrement l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette authentique enquête consacrée aux influences de la Castafiore sur le développement psychique de Tintin le Castrat. Et enfin, pour clore ce chapitre sur la jeunesse de notre patient, ajoutons que si Voltaire a confié l'éducation de Candide à l'ubuesque précepteur Pangloss, eh bien figure-toi que Tintin lui aussi a subi l'enseignement d'un professeur de métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. C'est Tintin qui parle au professeur Tournesol. Alors, Tintin, il dit, mais dites-moi, professeur, le Big Bang, ça a dû faire un sacré bruit. Alors, le professeur Tournesol, il lui dit, pas tant que tu crois, Tintin, parce que pour qu'il y ait du bruit, il faut que l'air vibre. Et au moment du Big Bang, il n'y avait pas d'air. Donc le Big Bang, il n'a pas fait de bruit. Alors Tintin, il est un peu déçu, puis il lui dit, mais le Big Bang, professeur, ça a dû faire sacrée lumière. Et alors là, Tournesol, il lui répond, là, tu vas être encore déçu, Tintin, parce que il y a bien eu une énorme émission de rayonnement, mais c'était à une température telle, c'était à ce moment-là tellement chaud que ce n'était pas des rayonnements lumineux, c'était des rayonnements gamma, comme on les appelle, qui ont beaucoup trop d'énergie pour que l'œil y soit sensible. Et puis tu sais, Tintin, il y avait à ce moment-là ni oreille pour entendre et ni yeux pour voir. Et donc, finalement, le Big Bang, eh bien, ça n'a fait ni bruit ni lumière. Alors, après avoir découvert combien la jeunesse de Tintin fut difficile et combien certaines contrariétés enfantines amplifiées par quelques avanies capillaires, ont pu profondément marquer la construction mentale de notre patient, eh bien, essayons maintenant, dans les minutes qui viennent, de sonder les influences contemporaines des obsessions névrotiques de ce reporter qui nous vient de Belgique. Car il est évident, devant l'immense postérité que connaît encore aujourd'hui le sympathique reporter outre-Quiévrin, que sa psyché doit provoquer quelques résurgences. Et bien sûr, comme d'habitude, amorçons notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. En effet, Tintin n'échappera pas à notre moulinette et nous avons soumis son dossier à une analyse critique fondée sur les travaux cliniques du psychiatre suisse Carl Gustav Jung et le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté d'expertiser les échos des aventures tintinesques au cœur de notre histoire récente. Alors professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons combien les névroses de Tintin ont sans aucun doute inspiré le plus français des docteurs globetrotteurs. L'expert jungien, pointez-vous au labo, analyse ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Vous avez pété les plombs. Le diagnostic des médecins indique que vous souffrez d'un dédoublement de personnalité. Tintin se construit peut-être comme un modèle d'enfance sublimée, d'une enfance qui n'en est pas une, parce qu'au fond, Tintin n'est ni un enfant, ni un adolescent, ni un adulte. Ce samedi matin, le ministre de la Santé semblait agir surtout en tant qu'envoyé spécial du président Mitterrand, mais après-midi, il revenait de plein pied dans l'aide humanitaire pour mettre la main au déchargement de quelques 4000 tonnes de riz. Il y a un très beau mot qui décrit Tintin comme le surenfant. Ils savent que tout le circuit est passé par l'éducation nationale, par la poste, par tous ceux qui nous ont aidés, et que chaque fois c'était un enfant parmi les 13 millions de Français. Et je crois qu'ils ont senti peser cette détermination en faveur de la paix. Selon ce rapport, ces choses ne vous sont pas arrivées à vous. Tintin ne vieillit pas, Tintin n'est pas engagé dans la sexualité. Donc des souvenirs de terrain, j'en ai beaucoup. Et croyez-moi, danser le tango avec Sœur Emmanuelle, ça ne faisait pas seulement penser au bon Dieu. C'est une femme. Elles sont arrivées à l'autre, qui apparemment essaye de sortir de vous. Il n'est pas encombré de vie psychologique intérieure, peut-être parce qu'il n'a pas de compte à régler avec son passé, avec son enfance. Bernard Kouchner, le ministre issu de la gauche et exclu du Parti Socialiste au Quai d'Orsay. Et il est libre de voyager par le monde en raison de cette liberté intérieure. C'est un peu particulier, ça n'est pas après la victoire électorale de la gauche. Les médecins disent que vous avez créé ce personnage par nécessité. Et si nous n'avions pas eu le sentiment de servir la France, nous ne l'aurions pas fait. Et voyez-vous, vous passez votre temps à éviter les conflits. Mais l'autre qui est à l'intérieur, lui, les cherche. Étonnant constat dans la bouche de l'ancien French doctor. On ne peut pas diriger la politique extérieure d'un pays uniquement en fonction des droits de l'homme. Bernard Kouchner, sans doute en service commandé, vient de signifier à Ramayad que sa carrière au gouvernement était peut-être en train de s'achever. Simplement, c'est ambigu, c'est tout. Et comme c'est moi qui l'ai proposé, je fais amende honorable sur le fond, pas sur Ramayad, que j'aime et que je respecte et dont je respecte le travail. Je ne sais pas quoi dire. Je suppose qu'on ne peut pas aller contre son cœur. Je suppose qu'on ne peut pas aller contre son cœur. Ah, voilà une phrase bien propre sur elle, typique du ministère des Affaires étrangères, enfin de l'univers de Tintin, quoi. Mais attention, car tu vas immédiatement constater que la psyché du reporter belge a largement dépassé les murs du Quai d'Orsay. Souviens-toi, tout a commencé au mi-temps des années 80, lorsque les amis de Tintin, à qui tu n'avais rien demandé, se sont pointés chez toi tranquille à l'heure du dîner pour s'occuper de ton assiette. Professeur, il fait beau. Tournez donc, pas du tout, je veux ce gigot. Je le préparerai avec mon huile fruit dehors 100% tournesol, car elle m'aide à mieux équilibrer mon alimentation. Vous équilibrez votre alimentation à vue d'œil ? Fauteuil, pas du tout, j'ai bon pied, bon oeil, fruit d'or et pur tournesol. Alors elle m'aide à mieux équilibrer mon alimentation. Elle est légère, légère. Fruit d'or vous aide à mieux équilibrer votre alimentation. Ben voyons, franchement, Comment veux-tu gober qu'un alcoolique notoire, associé à un vieux savant complètement taré et sourd comme un pot, puisse veiller au bon équilibre de ton alimentation? Attends, ça suffit maintenant, faut arrêter de nous prendre pour des glands, Tintin. Hein. En revanche, beaucoup plus sérieusement, figure-toi que dans quelques jours, débute à Hollywood le tournage d'une super production en 3D dirigée par Steven Spielberg qui va mettre en scène Le secret de la licorne. Et cette semaine, nous avons appris que Gad Elmaleh avait signé un contrat pour y jouer un rôle assez important, mais un rôle un peu spécial, puisque l'acteur français n'incarnera aucun personnage des aventures de Tintin, mais un personnage qui n'existe pas dans les albums du dessinateur belge. Eh bien, en exclusivité mondiale, je dis bien en exclusivité mondiale, le ministère psychique va t'offrir ce matin la bande-annonce de ce film qui ne sortira qu'en mai 2011. Alors, attention, l'histoire débute au domicile de Tintin, à Bruxelles, au 26 rue du Labrador. Ouais, monsieur, 26 rue du Labrador. Je suis en analyse depuis 10 ans. Oh là là! Mais et votre psy, c'est quoi? C'est un lacanien? Ah non, non, non, non. Non, il est français. Mon brave Milou, grâce à toi, nous avons fait une découverte magnifique. J'adore Shakespeare, Richard III. Bon, j'ai pas tout compris parce que j'avais pas vu le 1 et le 2. Mais quand même, j'avais saisi l'ambiance de quoi ça s'agit. Au fait, quel est ton nom? Chouchou, de la place de Clichy. C'est à toi maintenant de nous tirer d'affaire. Moi, je fais tout le travail que vous voulez. Je peux faire le repassage, je lave le linge, je fais la cuisine, je fais des blagues, je monte la garde, je descends les poubelles, j'allume les bougies, j'éteins les bougies. On va savoir ça tout de suite. Il est trop petit en séchoir. Il vaut mieux un petit séchoir qu'un grand chez les autres. Regardez, les bijoux de Raskar Kapak ont disparu. Qu'est-ce que tu racontes, Alhamar? Regarde ta gueule, tiens, en travaux. Allez, dors. Vous avez raison, capitaine, mais il se fait tard. Un peu de sommeil nous fera du bien. Tu sais, le pistolet, c'est comme le sexe. Tête de mule, te moquerais-tu de moi par hasard? C'est-à-dire, tu as la symbolique comme quoi tu es un homme, mais à travers le pistolet. Ton pistolet. Je vous remercie, commissaire. Tenez-nous au courant, voulez-vous? Ton pistolet, c'est du sexe. Tu es un homosexuel refoulé. Tu veux niquer le commissaire? C'est moi qui vais te niquer, ah, connasse. C'est du cinéma. Oh, ben vous féliciterez le metteur en scène. Cette reconstitution historique est des plus réussies. Bien, souhaitons vivement que cette super production hollywoodienne de Tintin soit dans la pure lignée de cette bande-annonce, bon sang. Enfin, avec Spielberg, ce n'est pas gagné. Hein. Mais bon, pour en finir, avec les résurgences contemporaines de notre passion, revenons par chez nous, tonnerre de Brest, et ouvrons l'écoutille d'une cellule capitonnée du ministère psychique où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même, trépané deux fois et que nous appelons ici long corps chétif, t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques tintinesques. Alors comme d'habitude, c'est complètement loufdingue, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole. Ouh. Ouais, je t'aime bien Tintin, t'es mon idole, avec ton chien relou et le capitaine Craddock. Parfois ici, je me prends pour toi, je mets un futal de golfeur, un polo et je me fais une houppette. Mais le plus dur, c'est qu'elle tienne en l'air, alors je mets du gel, comme dans Marie à tout prix. Oui, ça me fait une houppette, au jus de roupette. Et c'est moi Tintin, au pays des serviettes. Ouais, surtout qu'ici, il y a plein de gonzesses. Toi, tu n'as que la castafiote. Avec ces oranges bleues, c'est pas la joie. Heureusement, tu te consoles avec le sceptre d'autocar pour l'objectif lune. Tandis que moi, ici, il y en a plus d'une qui voudrait bien connaître le secret de ma licorne. Mais je les calme, les effrontés. Je leur dis, on touche pas aux cigares du pharaon, Néfertintin. Ouais, bon, je te laisse. Je crois que la castafiote te cherche. Je l'entends qui t'appelle, écoute. Je cherche après Tintin, Tintin, oh ma Tintin. Je suis trop con. But what did you do? What did you say? Or did you walk or did you run away? Where are you now? Where have you been? Did you go alone or did you bring a friend? I need to know. keep on smiling for me. What went right and what went wrong? Was it a story or was it a song? Was it overnight or did it take you long? Was knowing your weakness what made you strong? Or all the above? Oh, how I love to see you smiling. Something that you could smile about. Say for instance, my girlfriend, she bugs me all the time. But the irony of it all is that she loves me all the time. Oh, see. Sur nos visages, tandis que de son côté, quand Lama a pas content, Lama a craché au visage. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques et durant cette séance, le ministère psychique a constaté les profondes dérives comportementales de M. Tintin. Alors, la grande question en ce moment, c'est de savoir si Tintin est gay. Eh bien nous, au ministère psychique, on répond clairement, on s'en fout, il fait ce qu'il veut. Mais ce que nous avons surtout détecté, c'est que Tintin est atteint d'une grave schizophrénie et que, pour compliquer le tout, au cœur même de cette psychose délirante, il est tombé amoureux de lui-même. Je suis blond et tu es blond. Tu as les mêmes yeux que moi. Tu es la réussite que je n'attendais pas. Nous deux, c'est une histoire d'homme. Allez, en route, Milou. Je te tiens, sale bâtard. Essaye de jouer à saute-mouton maintenant. Nous précisons que tout cela n'est que fiction et qu'aucun animal n'a été maltraité durant la préparation de cette émission. Ainsi, au vu de l'ampleur des troubles de la personnalité de M. Tintin, le ministère psychique décide donc que le plus raisonnable, c'est de le libérer. On a autre chose à faire que de s'occuper des ados attardés, merde. Allez Tintin, prenez vos clics et Milou et ne suppliez pas de rester, vous feriez Tintin. Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère. Mais, qu'en sera-t-il la prochaine fois ? Voilà, c'est la fin de la 22e consultation déjantée du ministère psychique consacrée ce matin au baratin de latin Tintin. Voilà, Xavier Mauduit, notre co-auteur et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel aux manettes. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Jessica Fouché. Merci beaucoup à elle, c'était parfait. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beaugelet et Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, Julien Dugast, notre voix off, et Marie Berthoumieux, notre stagiaire, sans oublier bien sûr les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires,